je suis né dans une poubelle pendant une grève des éboueurs. À l'ombre tiède d'une gamelle où sévissait une drôle d'odeur. À la surprise générale du slip d'un homme de couleur, c'est cet ornement tropical qui causa ma première frayeur. Une serre de mobilette, je fis mon trône d'empereur. D'une à bicyclette, un glaive de gladiateur, pour estourbir les hordes de rats qui venaient piquer mon quatre heures. Comme je ne suis pas ingrat, je ne mangeais que les meilleurs. Un bel enfant de salaud dont l'enfance a été nourrie par les rats qui l'a estourbi. C'est avec les journaux de la veille que je fis mon éducation. Le c'était la fête à la maison. Vendredi, c'était la dèche. J'aimais pas les arêtes de poisson. Je redoutais la saison sèche à cause des émanations. Alors, pour retarder l'échéance, j'attrapais le sale éboueur qui voulait prendre ma maison par les hanches et l'envoyait dans son broyeur. Dans un squat de la rue Victor Hugo résiste un bel enfant de salaud qui ne craint ni les éboueurs, ni les rats, ni les squalls cambrioleurs. Dans une poubelle de la rue Victor Hugo, j'étais un bel enfant de salaud dont l'enfance a été nourrie de tous vos détritus.